Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 5, colonne 3. Cote du marché. Sherbrooke, 20 septembre 1883. Denrée. Beurre frais, première qualité, de 18 à 20 cents. Beurre frais, deuxième qualité, 18 cents. Beurre salé, 18 cents. Poule, le couple, de 70 à 90 cents. Poule, la livre, de 10 à 12 cents. Œufs, la douzaine, de 19 à 20 cents. Pommes de terre, le minot, de 40 à 50 cents. Farine supérieure extra, le quart, de 5,40 à 6,25. Farine extra, de 5,20 à 5,50. Farine forte pour boulanger, de 5,60 à 6,10. Farine extra du printemps, de 5,05 à 5,25. Farine extra, le sac de 100 livres, de 2,25 à 2,50. Farine forte pour boulanger, le sac, de 2,50 à 2,75. Farine de blé d'Inde, la grosse, de 1,90 à 2. Farine de blé d'Inde, fine, jaune, de 2,10 à 2,15. Moulée, de 1,40 à 1,60. Grains. Orge, les 48 livres, 75 cents. Pois, les 60 livres, de 1,10 à 1,20. Graines de mil, les 48 livres, de 2,75 à 3,25. Fèves, les 60 livres, de 2 à 2,50. Avoine, les 32 livres, de 45 à 50 cents. Son, les 100 livres, de 1 à 1,10. Sarrasin, le minot, de 65 à 70 cents. Farine de sarrasin, de 2 à 2,10. Viande. Bœuf, la livre, de 10 à 12 cents. Bœuf pour soupe, de 6 à 10 cents. Bœuf salé, de 7 à 10 cents. Mouton, de 10 à 12 cents. Agneau, de 10 à 12 cents. Agneau au quartier, de 7 à 9 cents. Veau, de 8 à 12 cents. Jambon, la livre, de 16 à 18 cents. Lard, la livre, de 12 à 14 cents. Lard, les 100 livres, de 9,50 à 10,50. Lard, le quart, de 21 à 22,50. Saint-Doux, la livre, de 15 à 17 cents. Foin et paille. Foin, première qualité, la tonne, de 7 à 8,50. Foin, deuxième qualité, de 6 à 7 $. Paille, de 3 à 4 $.